Eh bien oui, Philippe Salvador, on se retrouve exceptionnellement aujourd'hui pour une aventure encore plus fabuleuse que celle que nous avons pu vivre il y a 15 jours avec la planète Terra et cette population inconnue qu'Éphémère a découvert en exclusivité. Aujourd'hui, grâce aux moyens du satellite et le progrès technique qui nous invite à voyager non plus dans l'espace mais dans le temps, et je me trouve actuellement en 1515, et oui, vous avez entendu Lionel Bruno qui vous parle en 1515, alors je peux vous décrire le paysage autour de moi, on dirait vraiment un décor du Moyen-Âge. Alors, je me trouve actuellement au château de Chambord, et je vais ouvrir une grosse porte. Il semble donc que je vais pénétrer, je baisse un peu le ton de ma voix. Dans l'enceinte même du gouvernement de l'époque, et je vais essayer de rencontrer François Ier qui sévirait a priori en ce moment. Hein. Alors pourquoi cette date 1515 me direz-vous ? Ah, ça y est, je le vois, a priori c'est sa cour qui est là-bas. Je vais essayer de suivre ce petit groupe. Voilà, alors excusez-moi, bonjour. Oui. Bonjour toi. Alors, bonjour. Bonjour. Salut. Alors, excusez-moi de vous importuner, Seigneur, mon sire. Je viens du futur. Ça peut paraître, je sais, un peu impressionnant. Il vient du futur. Mais tu es chou, toi. Moi, c'est Premier, François Premier. Et toi? Ah bah écoutez, je m'appelle Lionel Bruno et je ne pensais pas que je serais reçu aussi bien. Mais t'en fais pas, on est toujours bien reçu quand on est mignon comme toi, Lionel. Bruno, il chou. Que veux-tu donc, toi? Ah bah écoutez, j'ai plein de questions à vous poser. Vas-y, bouh. Si vous me permettez de vous demander de me lâcher la jambe un instant, je retrouverai mes notes. Voilà, alors beaucoup de questions à vous poser. François Ier, donc en ce moment, nous sommes en 1515. Comment ça se passe à Marignan? Marignan. Mais c'est où ça, Marignan? Il semblerait que c'est du côté de l'Italie. De l'Italie? Mon Dieu, je n'y suis jamais allé là-bas. Mais c'est super ça, vas-y, raconte. Alors, bon, je vais vous raconter comment ça se passe à Marignan. Normalement, en ce moment, il y a une bataille, vous livrez bataille, François Ier, à Marignan. Une bataille à Marignan? Mais il est marrant celui-là. Mais diantre, je ne le connaissais point. Pourquoi n'était-il pas à ma cour? Mais je serais très heureux de manger avec vous ce soir parce que, exceptionnellement, mon emploi du temps est déchargé un peu. Il n'y a pas de problème, tu peux manger avec moi. Mais écoute, ça me et fait après, très plaisir. Tu as un endroit pour coucher, dis-moi. C'est où tu veux, mon pote, mais... Alors, la monnaie actuellement que vous utilisez, François Ier, ce sont des louis d'or? Des louis d'or, mais il n'y a pas de monnaie, mon gars. Ici, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux, j'ai pas besoin de louis d'or, moi. Comment vous croyez que vous pourrez rémunérer les services que je pourrais vous rendre? Les services que tu pourras me rendre? Mais dis-moi, ouh, que veux-tu que je te rémunère? Quoi? Mais disons que ce serait peut-être pour cette nuit. Mais tout m'est dû, mon gars, mais tout m'est dû. Tu feras ce que je veux. En fait, c'était seulement dans l'optique de mon retour dans le futur, peut-être pour des opérations du style esthétique. Oui, retour vers le futur, oui, c'est ça, oui, aussi. Bien sûr, tu comptes y retourner dans le futur? C'est quoi cette histoire de futur d'abord? Eh bien, écoutez, je vous propose de vous prouver que je viens du futur. Il vous suffit simplement de regarder dans quoi je parle en ce moment, voyez par vous-même. Regardez, ça s'appelle un micro. Un micro? Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Eh bien alors, c'est des choses qu'on a fabriquées donc, dans le futur, vous voyez, avec des formes particulièrement généreuses. Majesté, s'il vous plaît, ça ne sert pas à ça. Je n'ai pas très bien compris quel était cet objet, mais retirez-le. Mais écoutez, moi j'ai trouvé ça super en tout cas, hein. Oh là là, dites donc, mais c'est un micro, mais dans le futur, dis-moi, on fait des trucs super comme ça. Un petit peu gros quand même. Très bien. Si je peux me permettre, François Ier, d'interroger la personne qui est à côté de vous. Qui êtes-vous, monsieur, exactement? Glaoui. Je suis le mage Glaoui. Bonjour, monsieur Glaoui. Alors, vous êtes le mage de François Ier. Quelle est exactement votre fonction? L'histoire ne se souviendra pas de moi. Je suis le conseiller de l'ombre. Je suis le mage Glaoui. Et quel genre de service rendez-vous à François Ier ? Intime, petit conseil. J'ai la faculté de voir dans le temps. Ah oui, donc ce qu'on pourrait appeler un voyant en fait, hein ? Un translucide. Oui. Ici, on appelle ça un mage. Je suis le mage Glaoui. Très bien, monsieur Glaoui. Alors, une question que je peux me permettre de vous poser. Qu'imaginez-vous pour, disons, dans 5 siècles ? Qu'est-ce qui se passerait entre le 19e et le 20e siècle de notre ère ? Je vois une belle merde. Un gros bordel. C'est... Déjà, je vois un emmerdeur qui a... L'emmerdeur de l'année dernière, là, celui qui est parti il y a quelque temps pour l'autre côté de l'Amérique, il va bien nous faire chier, celui-là. Je sens qu'il va revenir avec plein d'emmerdes. Vous parlez certainement de Monsieur Colombo. Oui, Monsieur Christopher Columbus. Voilà, très bien. D'autres images du futur, peut-être un peu plus proches ? Oui, je vois des restaurants un peu partout à la sortie des routes. Avec un grand M dessus qui servirait des petits plats à emporter, faciles à manger, en s'en foutant partout, et qu'on pourrait bouffer à cheval. Ça me plairait bien, oui. Il y a plein de thunes à se faire là-dessus. Ça, c'est des visions particulièrement intéressantes, hein, si vous saviez. J'appellerais ça le Mac Glaoui. Il y aurait des cheese Glaoui, des super double Glaoui, et des Glaoui burgers. Très bien. Alors, en ce moment, normalement, nous nous sommes déplacés en 1515, monsieur Glaoui, pour pouvoir voir comment se passait la bataille de Marignan. Alors, j'ai posé la question à François Ier il y a un instant. Il ne connaît pas Marignan, il ne connaît pas la bataille de Marignan. Qu'en est-il de vous ? François, on a étripé il y a longtemps ou pas, dans les derniers mois ? Je ne sais pas. Étripé quoi ? Je ne sais pas. Des paysans, peut-être ? Non ? On n'a pas fait de tuerie ? Certes, certainement des paysans, sûr, mais bon, des tueries, on en fait tous les jours, de toute façon. Non, je parle de quelque chose, j'ai l'impression que le monsieur, là, il cherche le genre du massif. Genre 500 000 personnes dans la journée. 500 000 personnes dans la journée, mon Dieu, mais ça, c'est une idée, ça ! Tiens, oui, on pourrait prévoir ça, tiens. Oui, c'est pas... Oui, l'été prochain, je pense. L'été prochain, ça, oui, 500 000 personnes. Vous dites où ? À Marignan. Marignan ? Pourquoi Marignan, pas ? C'est une bonne idée, ça. Ça sonne bien, en plus. 1516 oui. Marignan, oui, ça sonne c'est bien, pas mal ça. Du tout. Il y a du monde à Marignan, à étriper ? Oui, ben en fait, c'est une province du duc de Milan. En plus, il est bien sportif, ce gars-là. Le duc de Milan. Ouh, super, je le connais pas encore, celui-là. Bon, on va organiser ça, hein. Ben, pas de problème. Je vais réunir tout le monde. Donc... Est-ce que vous croyez que je peux annoncer ça sur mon retour donc en 1996, donc une bataille de Marignan en 1516, vous croyez que c'est possible, hein ? Bah ça dépend, on n'a pas encore envoyé de courrier au duc de Milan, il est peut-être pris autre part. Mais disons qu'on peut la prévoir, ce serait pour me faire plaisir. Oui, si vous voulez, on peut prévoir une bonne tuerie avec tous les fastes et tout ce qu'il faut pour l'été prochain, l'été 16. Très bien. Bon, bah, écoutez, tout ceci est noté. Je vais m'en aller me changer pour dîner avec vous, avec toute la cour, ce soir. Et puis, on se retrouve demain. Demain, on essaiera de voyager en 1516, donc pour voir si la bataille de Marignan s'y est bien passée. À vous, Philippe Salvador. À vous, soit dit en passant, et éphémère.